Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous ouvrons cette émission spéciale génétique pour découvrir ce que sera peut-être la génétique de demain. Donc, dans un article qui vient de paraître dans la revue Nature, des chercheurs ont réussi à modifier les fondements même de la génétique. Et Mustapha Lor, qui est habitué à jouer avec ces notions de génétique, va nous donner les explications. Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas généticien de formation. Mais tu es habitué à travailler sur les gènes, c'est tout un vocabulaire avec lequel tu es habitué. J'ai eu des cours. Donc je suis venu aujourd'hui vous parler de génétique et plus particulièrement de la nouvelle génétique, une génétique qu'on peut appeler 2.0. C'est que ces dernières années, en plus des champs classiques de la génétique qu'on connaît et qui sont plutôt reliés à l'identification de nouveaux gènes, de nouvelles fonctions, de leurs mutations, ou encore comment ces gènes sont régulés, on est comme passé à une nouvelle mode, une nouvelle tendance qui commence à se démarquer. Et puis, elle est autour de la génétique synthétique, ou plus globalement, ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Alors, qu'est-ce que c'est cette tendance? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une tendance? On parle de tendance parce que depuis la fin des années 2000, je dirais 2008-2010 à peu près, plusieurs avancées considérables en génétique ont été observées. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est qu'elles sont toutes orientées vers une direction plutôt synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, c'est qu'on fabrique ou on fait fabriquer des éléments génétiques. Donc, avant, on se contentait d'introduire des mutations ou d'induire des recombinaisons entre des morceaux d'ADN. En gros, on faisait coller de l'ADN entre de l'ADN et de l'ADN. Mais depuis 2008, par exemple, l'Américain Greg Venter a réussi à synthétiser de l'ADN total d'une bactérie. Et en 2010, il a même réussi à l'introduire dans une autre bactérie qui était dépourvue d'ADN. Donc, il a transféré l'ADN total d'une bactérie et une autre qui ont été dépourvues. Ouais, donc là, ça veut dire qu'on ne joue plus spécifiquement sur un morceau d'ADN qu'on colle, mais on construit carrément, on reconstruit. On le fabrique, exactement. Et puis, même récemment, en mars dernier, dans le magazine Science, on évoquait la synthèse d'un chromosome complet, mais cette fois-ci chez la levure du boulanger, pardon. En fait, la levure du boulanger est un organisme beaucoup plus complexe encore qu'une bactérie. Elle compte environ 6000 gènes, alors qu'une bactérie en compte 4000. Et juste pour avoir une idée, l'homme, il en a un peu plus de 20 000 gènes. Donc là, en passant à la levure, on a comme arrivé à un seuil nouveau. On est à un nouveau palier. On est rentré dans ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes à noyaux. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas juste une question de nombre de gènes, c'est que l'organisation de la bactérie puis l'organisation de la levure dire, là, c'est. C'est ça. On peut dire que l'homme est plus proche de la levure que d'une bactérie. Ouais. Alors, de quoi il s'agit là finalement de cet article dans Nature? En quoi est-ce que ça va plus loin? Oui, donc le sujet de la chronique, c'est que je sais pas. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias récemment, mais la semaine dernière, cet article est apparu dans Nature et puis il rapporte un nouvel alphabet génétique. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que notre patrimoine génétique est sauvegardé, il est stocké sous forme d'une suite de bases. C'est les fameuses bases azotées, les ACGT. En fait, on peut les imaginer comme des petites briques ou des petits blocs de Lego. Au nombre de 4. ACGT, ça équivaut à adénine, cytosine, thymine et guanine. Et puis, c'est la séquence, c'est-à-dire l'ordre dans lequel se suivent ces bases ou ces blocs de Lego et qui fait l'unicité et la spécificité d'un gène. C'est ce qui va faire qu'un gène va permettre, par exemple, la fabrication de cheveux ou d'un morceau de peau, par exemple. C'est ce qu'on appelle le code génétique aussi. Et donc, ce code génétique, il faut savoir qu'il est universel. Et cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les mêmes bases ou les mêmes fondements du code génétique sont partagés par un certain nombre d'organismes ou par, en fait, tous les organismes vivants. Et donc, on va retrouver les mêmes bases ACTG dans toutes les formes de vie, de l'humain le plus intelligent au plancton le plus insignifiant. Et puis, par contre, tous les êtres vivants vont pas avoir les mêmes gènes, vont pas avoir le même patrimoine génétique, ce qui est normal. Donc, les plantes ont des gènes pour fabriquer de la chlorophylle, et puis les oiseaux en ont d'autres pour fabriquer des plumes. Et puis, les êtres vivants partagent des fois certains gènes, et puis d'autres sont juste dans des formes différentes, et puis d'autres sont vraiment différents d'une espèce à une autre. Et puis, donc c'est tout ce méli-mélo de gène qui va faire la spécificité des espèces ou des êtres vivants. Et puis, ce que je peux rajouter en plus, c'est que, à l'image d'un livre, pour faire l'analogie, au lieu d'avoir 26 lettres d'alphabet pour écrire notre langue normale ou le français, en ADN, on va l'écrire en quatre lettres. Donc, on va faire des mots avec quatre lettres. C'est ça. Avec ces quatre lettres, on va former des gènes qui vont représenter donc des mots et de longueurs plus ou moins différentes. Et puis, on peut même pousser l'analogie un peu plus loin en disant que ces mots vont former des phrases et des paragraphes. Et là, on va se situer à une échelle un peu plus grande. Ça serait des chromosomes, donc les fameux chromosomes. Donc, c'est pareil. Donc, les lettres sont. On a 26 lettres, mais avec ces 26 lettres, on écrit différents romans, différents livres. C'est et ça. Là, avec les. Dans la base génétique, on a 4 lettres A, C, G, T, et on va faire différents gènes, différents organismes. Exactement. D'accord. Et puis, le point majeur de l'article, l'avancée, donc, c'est qu'au lieu de 4, apparemment, on passerait à 6 lettres maintenant, parce que les chercheurs ont réussi à introduire de nouvelles bases, de nouveaux blocs, donc. Et puis. Les noms sont un peu difficiles à retenir, mais disons qu'il y en a deux nouvelles. Exactement, qu'ils ont réussi, qui ne sont pas naturelles, qu'ils ont synthétisées et qu'ils ont pu introduire dans la bactérie, et puis que la bactérie a pu intégrer ces deux nouvelles lettres dans son code génétique. Elle les a pris en charge. Donc, exactement. Mais ça n'a pas dû être si facile, en fait, parce que bon, elle n'est peut-être pas faite pour ça non plus. Cette machine cellulaire, elle est capable de fonctionner avec les quatre lettres, les quatre bases dont tu as parlé. Si on en rajoute deux, ça doit quand même être un certain défi. C'est pour ça que ça représente une première, une avancée qui n'était pas attendue du tout. Cet accomplissement restait longtemps considéré comme une utopie irréalisable. Et comme l'indiquent les chercheurs dans l'article, il y avait trois challenges à surmonter. Tout d'abord, il fallait fournir les nouvelles bases à la bactérie en quantité suffisante. Ouais. Et pour ce faire, ils les ont synthétisées donc, et puis ils les ont fournies dans son milieu nutritif dans lequel elles baignent, ces bactéries. Et puis, il fallait aussi que les bactéries puissent absorber ces nouvelles bases. Mais elles n'ont pas ce qu'il faut pour, vu que c'est des entités synthétisées, enfin, on n'en a pas dans la nature. Donc, il fallait par la même occasion modifier la paroi des bactéries pour qu'elles puissent internaliser ou introduire ces fameuses bases à l'intérieur de son organisme. Et puis, il fallait comme placer des petites portes d'entrée au niveau de la paroi bactérienne pour que ces bases puissent s'introduire dans la bactérie. Et puis, l'autre challenge aussi, c'est qu'il fallait aussi que la machinerie de la bactérie ne reconnaisse pas ces bases comme étant des erreurs de l'ADN. Donc, parce que l'ADN de la bactérie va se multiplier, mais la bactérie a toute une machinerie ou réparer son ADN s'il y a des erreurs. Donc, cette machinerie, si elle voit deux nouvelles lettres, peut-être qu'elle va les reconnaître comme des... C'est ça, exactement. Donc, il fallait pas qu'elle... C'est comme à l'image d'une greffe, il fallait pas qu'elle rejette cette greffe. Donc, et c'est ça qui était étonnant, c'est que la bactérie... sa machinerie génétique, en gros, elle était tolérante vis-à-vis de ses bases, de ses nouvelles bases. Donc, les nouveaux gènes de la bactérie ont incorporé ces nouvelles bases. Exactement. Et puis, la bactérie s'est répliquée. Et puis, les bactéries filles, entre guillemets, elles avaient aussi incorporé ces bases. Ah, oui. C'est vraiment impressionnant. Et donc, ça ouvre quelle perspective d'avenir, ça, maintenant ? Il faut dire que les chercheurs sont très enthousiastes à la suite de ce travail novateur et on peut le comprendre. C'est vraiment une avancée majeure. Mais en fait, si on élargit l'alphabet de la vie, on va accroître vraisemblablement d'une façon très significative le nombre de mots que l'on peut écrire avec. Donc de nouveaux mots vont émerger, des gènes inédits peut-être qui vont coder pour de nouvelles protéines inédites peut-être aussi, avec peut-être des fonctions et des propriétés nouvelles, on n'en sait rien. Mais beaucoup évoquent déjà un nouvel Eldorado avec des applications pour l'environnement, l'énergie ou la santé. Toutefois, dans l'autre camp aussi, il y a quelques sceptiques et puis ils sont sceptiques par rapport à l'application ou l'impact de cette recherche parce qu'ils disent que d'un point de vue commercial, pour que la bactérie fabrique d'elle-même des produits novateurs, exemple des médicaments. Est-ce que ça va être avantageux en termes d'énergie vu qu'on met dans un système de production des éléments qui ne sont pas ou peut-être pas compatibles avec la bactérie. Donc c'est comme demander à des travailleurs aveugles par exemple de lire du braille. avec deux lettres de plus qu'ils n'ont jamais rencontrées pendant leur apprentissage. Donc, soit ils peuvent s'adapter et combler par un apprentissage sur le tas, ou sinon, ben, ils vont bugger et arrêter de lire, car ils ne déchiffrent pas ces nouveaux mots ou ces nouvelles lettres. Ouais. Puis aussi, rapidement, en terminant, on peut se dire, ben, avec le débat déjà sur les OGM, qui suscite toujours, qui est quand même assez chaud, est-ce qu'il n'y a pas encore tout un tas d'appréhensions avec cette arrivée? C'est quand même comme une boîte de Pandore, quand même, qui s'ouvre. Oui, exactement. Il y a beaucoup de similitudes avec le problème des OGM ou avec l'introduction des OGM, par exemple. Est-ce qu'on se situe sur une pente glissante menant à une perte de contrôle des déterminants biologiques ou des déterminants génétiques? Ou est-ce que nous sommes devant des perspectives d'avenir immenses qui vont révolutionner la science et améliorer les générations futures, peut-être? Ben, en tout cas, c'est un débat de société à entreprendre qui a déjà été amorcé en Europe en 2010 avec toutes les nouvelles avancées que je vous ai citées au début, fin des années 2000. Donc, nul ne peut garantir un choix éclairé, surtout avec le peu de recul qu'on a sur cette tendance génétique nouvelle. C'est vraiment très récent. Et puis, on peut se demander si nos sociétés vont-elles refaire la même erreur ou saisir la même chance qu'avec les OGM. Là encore, le débat est lancé. Ouais, et donc pour ça, il faut se tenir au courant. Alors, merci beaucoup, Moustapha, de nous avoir informé de cette nouvelle. Alors, on va faire une pause musicale, se reposer un petit peu. Et au retour, on va parler de la génétique, de l'intolérance au lactose. Vous êtes sur CKRL au 89.1.